لامك مكة. La Mecque est une ville de l'ouest de l'Arabie Saoudite, près des côtes de la mer Rouge. Elle a d'autres noms comme Bekka, Umm al-Qura, la mer des cités, El-Baled al-Amin, la ville sûre. La Mecque est la ville natale du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Au centre de la Mecque se trouve la mosquée sacrée qui entoure la Kaaba. Les musulmans du monde entier prient 5 fois par jour en direction de la Kaaba à la Mecque. La mosquée sacrée de la Mecque est la mosquée la plus sainte de la terre. Une prière effectuée à cet endroit est meilleure que 100 000 prières effectuées dans une autre mosquée. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Une prière accomplie ici, dans ma mosquée, est meilleure que 1000 prières accomplies autre part, excepté dans la mosquée sacrée, à la Mecque, où une prière est meilleure que 100 000 prières accomplies dans une autre mosquée. » Hadith rapporté par Ahmed. À côté de la Kaaba se trouve le puits de Zemzem. L'eau de Zemzem est sans aucun doute l'eau la plus bénie et la meilleure qui soit sur terre. Allah, qu'il soit glorifié, a fait de la Mecque un sanctuaire, un territoire sacré, où il est prohibé de déraciner ses arbustes, couper ses arbres, chasser ou déranger son gibier, verser le sang, ramasser les choses à terre, excepté pour celui qui proclamerait ce qu'il a trouvé. Allah le Très-Haut a aussi préservé la Mecque de toute forme d'association et a strictement interdit son entrée aux non-musulmans.